Nous voilà donc dans le subjonctif imparfait, qu'on utilise en italien dans les phrases au passé comme « il fallait que je lui parle » et aussi après « si » dans des phrases comme « si j'avais le temps, je le ferais ». Quel est le subjonctif imparfait du verbe « avoir » en italien? Par exemple, pour « je », c'est « avessi ». « Avessi ». « Avessi ». Il nous reste à voir un subjonctif imparfait qui est très important. C'est celui du verbe « essere ». La forme qui correspond à « je », c'est « fossi ». « Fossi ». « Fossi ». F-O de S-I. « Fossi ». Qui vous rappellera peut-être « fusse » en français. « Que je fusse ». « Che io fossi ». Alors, comment allez-vous dire « si j'étais »? Se fossi. Se fossi, si on sait déjà qui parle. Ou bien, se io fossi, pour éviter toute ambiguïté avec la forme qui correspond à tu, qui est la même que celle avec je, c'est-à-dire fossi. Fossi, oui. Mais pour il, elle ou le vouvoiement, on aura fosse. Fosse. Pour il ou elle au pluriel, on aura fossero. Fossero, bien. Et pour nous, qu'est-ce que ça donne? Fossimo. Oui. Et pour voi? Foste. Foste, absolument. Bien sûr, ces deux subjonctifs imparfaits, celui de avere et celui de essere, s'emploient beaucoup en italien, dans toutes les phrases qui commencent par « si j'avais » ou « si j'étais », y compris celles où il y a un autre verbe après, une forme qui sert à plonger dans le passé. Par exemple, comment diriez-vous « si j'étais parti plus tôt, je serais arrivé à l'heure » ? Commencez par « si j'étais parti ». Se fossi partita. Se fossi partita. Plus tôt. Più presto. Oui, se fossi partita più presto. Je serais arrivé à l'heure. Sarei. Oui, sarei arrivé à l'heure. Arrivata in tempo. Oui, sarei arrivata in tempo. Se fossi partita più presto, sarei arrivata in tempo. Comment diriez-vous si elle était partie? Se fosse partita. Oui, bien. Se fosse partita. Et si nous étions partis? Se fossimo partiti. Se fossimo partiti. Oui. S'il s'agit d'un groupe d'hommes ou d'un groupe mixte. Si c'est un groupe constitué uniquement de femmes, par contre, on dira se fossimo partite. C'est ça. Se fossimo partite. Comment diriez-vous maintenant j'aurais fait une réservation si je l'avais su? Commençons par j'aurais. Avrei. Avrei. Fait une réservation. Une réservation, c'est l'inscription ou littéralement la notation de son nom à l'avance. C'est-à-dire une prenotazione. Oui, bien. Donc, j'aurais fait une réservation, se dira avrei fatto una prenotazione. Tout à fait. Avrei fatto una prenotazione. J'aurais fait une réservation. Si c'est je l'avais su. Il y a un « si ». Donc, il vous faut un subjonctif imparfait. Celui de « avoir »,« avere ».« Avessi ». Oui, c'est bien. Vous avez bien réfléchi avant de répondre. Donc, maintenant, si je l'avais su... « Se lo avessi saputo ». C'est ça. « Se lo avessi saputo ». Avrei fatto una prenotazione, se lo avessi saputo. Ou bien, avec la contraction de « lo », Avrei fatto una prenotazione se l'avessi saputo. Vous allez maintenant me traduire la phrase suivante. J'aurais attendu et j'y serais allé avec toi. Aller avec un E, parce que vous êtes une femme. J'aurais attendu tout d'abord se dit. Avrei. Oui. Et attendu. Aspettato. Avrei aspettato. Et j'y serais allé. Comment dit-on je serais au conditionnel? Sarei. Oui. Et maintenant, vous plongez pour dire j'y serais allé. Sarei andata. J'y serais allé. Ci sarei andata. Voilà. Ci sarei andata. Oui. Andata, parce que vous êtes une femme et qu'on fait l'accord quand on emploie le verbe être ou essere. Par contre, dans j'aurais attendu, il n'y a pas d'accord puisqu'on emploie avere. Vous avez donc dit avrei aspettato. Alors, reprenez toute la phrase. J'aurais attendu et j'y serais allé avec toi. Avrei aspettato e ci sarei andata avec toi. Con te. Bien. Avrei aspettato e ci sarei andata con te. Ça, c'est ce qu'on dit quand on est une femme. Au masculin, on dira ci sarei andato.